de Silo Hint à Brezhoneck. C'est l'heure de retrouver Hint à Brezhoneck. Henri, on se retrouve pour une émission de Hint à Brezhoneck. Leçon 547. Comment on dit ça en breton, Henri ? Kanseis à Dohugen. Tem Kanseis à Dohugen. Et on reprend nos bonnes habitudes. On commence par Gerio Arvue. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai pensé parler du mot teil, qui est un mot qu'on entend souvent, hein, et en particulier à la campagne, puisque ça veut dire fumier. Hein, voilà. Donc c'est un mot masculin, donc un teil, employé avec l'article, ça donne un teil, le fumier. Et il y a aussi un pluriel qu'on n'entend pas souvent, teillou. Parce qu'en général, on parle du fumier en général, donc on parle même sans article, hein, on dit teil, hein, teil du fumier. Comme toutes les matières, hein, et on n'emploie pas l'article. Hein. Voilà. Alors le nom, ce mot existe également en gallois et en cornique, et il est d'origine assez obscure. Selon Albert Dehay, il serait lié au grec télo, qui veut dire excrément, mais enfin, c'est pas certain. Voilà. Alors c'est un mot qu'on emploie très souvent, hein, et qu'on entend dans la conversation. Hein. Castei de Parc, Lacatei Bahar, Charatei, hein, une des grandes occupations. Hein. Charvoyer du fumier, transporter du fumier. On entend souvent dire ça, Mandut Charatei, hein, les gens sont en train de transporter du fumier. Castei de Parc, hein, emmener le fumier au champ. Alors, on épand, le fumier, ça s'épand, bien entendu, hein, de façon homogène sur le champ. Skuotei, hein, donc épandre du fumier. Et d'ailleurs, Skuotei, c'est un épandeur de fumier. Voilà. Au Haratei, hein, une chartée de fumier. Voilà. Au Berntei, le tas de fumier. Hein. On avait toujours ce symbole du tas de fumier dans la cour. Hein. Berntei, bah, pour the firm. Hein, c'est pas forcément un compliment. Non, c'était pas forcément un compliment. Hein. Voilà. Alors, le verbe teyat, hein, teyat qui veut dire fumer. Hein. Fumer au sens de mettre du fumier. Il hein. peut y avoir une confusion. En français, oui, il peut y avoir une confusion. Voilà. Il y avait des expressions qu'en français, comme qui chôle sans fumer, se ruine sans y penser. Voilà. Alors, le verbe fumer, donc, teyad, hein, pour participe passé, teyad. Hein. Par exemple, on va dire au parc neve teyad. Alors, bien sûr, il y a toutes sortes de fumiers. Hein. Il y a un riche vocabulaire autour de ça. Par exemple, teyvresque. Hein. Du fumier récent, du fumier qui n'est pas encore décomposé, teigne-breigne, du fumier bien décomposé, on dit teidu aussi. Et puis, selon les animaux, alors teizou, teitiezek, hein, teizou du fumier de vache, teitiezek du fumier de chevaux, teillir, hein, ça n'existait pas beaucoup autrefois, mais ça s'est répandu depuis les années 60, hein. Teidevet, hein, un très bon fumier, le fumier de vin, hein, de mouton, teimor, hein, pour les cochons qui sont élevés sur paille. Voilà. C'est voilà. Le cas. De plus en plus quand même. Alors, des expressions comme teyadak. Teyadak, c'est l'action d'apporter du fumier. Hein. Les mots qui se terminent en adak comme ça traduisent en général des actions. Il y en a beaucoup en agriculture, par exemple aradeg, le labour, hein, varadeg, hein, le défrichement, tenadeg pato, hein, l'arrachage des pommes de terre. Donc ce sont des mots féminins. Et il y a teyadur aussi, qui a à peu près le même sens, hein, qui veut dire la fertilisation, donc qui est donc un mot masculin, puisque tous les mots en adur sont masculins, sauf plijadur. Voilà. Certaines plantes, on les appelle lousoutei, hein, ce sont des mauvaises herbes qui sont apportées par le fumier, par exemple le sainson, l'aspergule, le fumeter. D'ailleurs, fumeter, on l'appelle lousoutei, le fumeter officinal. C'est la même origine, hein, fumeter, en français. Hein. Voilà. Alors, des expressions glebdourtei, qui veut dire trempé, complètement trempé, quoi. C'est-à-dire trempé avec du jus de fumier. Ici, d'ailleurs, on disait glebtoutei. Hein. On dit glebtoutei, on n'entend pas l'origine, un glaive d'ourteil. Hein. Mais ça veut dire quoi, tremper avec du jus de fumier ? Tremper jusqu'aux os, quoi. Tremper, quoi. Quand on est complètement trempé, quoi. Par... mais nous, on dit glaive d'ourteil. C'est glaive d'ourteil, voilà. Et puis alors, il y a un sens figuré aussi, c'est le sens de désordre. Hein. Par exemple, teibanti, hein. Il y a du désordre dans la maison, c'est pas du fumier au sens propre. Mais c'est très utilisé pour dire du désordre. Et puis il y a une autre expression aussi, daobertei, c'est quand quelque chose qui est en excès, par exemple. Hein. Zerzopato dopertei, hein. On a ramassé des patates à en faire du fumier. Voilà. Et his de zer en dopertei, il a de l'argent à faire du fumier avec, quoi. Voilà, et ben, c'est pas mal pour terminer. On passe à la seconde partie, Bresson Nectan Matamb. Bresson Nectan Matamb avec un petit dialogue, Henri, aujourd'hui. Oui, alors c'est à l'école de Zantol où Job Nedelec, l'ancien instituteur qui est en retraite aujourd'hui, est toujours chargé de coordonner les tapes. Et donc, Chanik est allé le voir et on va voir de quoi il s'agit. Salut Job, manage. Matré Chanik, ah oui. Madié. Mais l'aridinta Job. Erué Amzer en distroskol, à Clévet de Meuse et Vaugret de Ganeur, Orblamant, Roi, Santapou. Petraezé, un tapou. Un tapou, Paul, un tapou et Obertrou, Gandor Vugale, dis Henswell de Spesvegred, Hendel Baskol. Dasquer, Zonerez, Arzou, Obergouren, Montevel ou Dor Plantenou, War Hermes, Oberstamp, Fardambouet. Ah oui, Aratoul un trausé? Oh non, très chance. Mira Wardrouer Zonerez, Agarhan, Mevrigera Wardrouer Rekipeau. Au podium wang de school guren ra wardrower guren agonel ra wardrower blantenou azé ablige d'arvigale ya plusieurs d'arvigale et gwel tudel à obertrowel vascol. Eh ben on va reprendre phrase à phrase le dialogue entre Chanik et Job. Salut Job, ma de jeu. Oui, bonjour Job, comment ça va? Ma très Chanik, narui. Très bien, et vous? Ma dié. Très bien aussi. Mais l'arrêt dit ta Job. Et rué en zère en distroscole. Oui, mais dites-moi, Job, voilà maintenant revenu la rentrée des classes. À Clévet de Meuse et Vaugret de Grandeur, Arblamant, Roise, en tapou. Et j'ai entendu que vous feriez encore cette année les tapous, les tapes. Ah bien, en breton, il y a tapou. C'est les temps d'activité périscolaire. Petra est un tapou. Qu'est-ce que c'est que ça, les tapes? Pas un tapou. Et Aubert Traug en Arvugal et disait un vel de spes vegret Händel Barskoul. Oui, le but des tapes, c'est de faire de, à l'école des choses différentes de ce qui se fait d'habitude. Dar Square, son ERS, Arzou. Par exemple, de la musique, des arts. Ober Gouren. Du Gouren. Mande à vélo, ter planté, noir armé. Aller voir les plantes à l'extérieur, à la campagne. Ober Stamm, Fardambouit. Oui, faire du tricot, faire de la cuisiner, quoi. Hein. Ah oui, ara tout d'un trausé. Et vous faites toutes ces choses-là? Oh non, de chance. Oh non, heureusement. Mais Ara Wardro a son ERS à Garonne. Oui, moi je m'occupe, hein. Ober Wardro s'occupait de. Mira Wardroer Zoner et Zagarand, je m'occupe de la musique et du chant. Mais vrai, Gara Wardro Arekipou? Ma femme fait autour, j'allais dire, oui. S'occupe des recettes de cuisine. Ar Potiawank de Zarskol Gouren, Ara Wardro Ar Gouren? Un jeune homme de l'école de Gouren, Skol Gouren, vient s'occuper du Gouren. Agenel, Ara Wardro Ar Planteno. Et un autre s'occupe des sorties botaniques. Aze Ablige d'Arvugale? Et ça plaît aux enfants? Oh, y'a, pligera des gueulettes traouel, à Tudal, Barsco. Y'a, ça s'appelait aux enfants de faire des choses différentes et de voir d'autres personnes à l'école. Petra zone vervo. Ben, calze draw et vel juste boire vej diouzan, krogom de diantan, et vel kiz a custum, gandela bourdouar, hag vu e war armez. Tramene de bremen nantom, a mont de ram war zu un diska ramzer. Par de nan eus obedam zur clou ar war, gand glo a yol, pe so mad war vid en trevadou. Ur e goz lare, glo a yol an amzer war de blant o kol. Hag blam eus obet amzer war de blant o kol, pe dioz obet glo a yol pa de nan. Un est eus obet zer un madoar benefin, mam eus vej o vije diez d'oporzik a gleb vije en traou, med benefin e bezer un madoar, hag ur an daman zo bet madoar. Vichon moar la bourdouar, kalz dabud hag kalz reus zo bet, gant ar fer un nu empoisonet, gant ur fi prenil, ur fri penil, zo un dant ve louza ou ve in plijet, e vid lach lau di rier. Hag un drase zo nous gavet ba uo zo be prenet ba broio wiesel a ba Belgik. Hag an se ma trezen e gwellar d'un dut pre eno. Uo de ze vro pu dur une fin zo ve produ trawar uo ba vro. Waler nan te namzor vid homiso. Da square ba canuel oa blam vid homiso, homis pe la rin bat, e vid canton zan Nicolas, canton koz zan Nicolas, pe jone ke canton tin, me bo pe veder ad ober homis vid canton zan Nicolas. à Blanme ou à concourir au train d'Ouar, Zobit, à concourir au vide Monsouzdrin, grande Kiri, stock de un tracteur, avec juste Pesso Diezoir. À Gévelgius, Zobit concourir au vide Londet. À Gontoulama de Dut, Zobit, remise de Blanme, Canuel. Foire Yoel, Zo, vous pouvez le voir Vulat, hein, vide Riesig, hein. Blanme Zobé, Calze Diez, Groz, à Calze Dut. Foire Biozone, bas mur, Bromevelar, bas guerre les dents, mais mur et bon petit. Ag Zobé de Spendo Hanstall, bas Biozone, Norkebit. Norkebit, Blanc Meroise. Ag Hendel Zobé de Spas, bas Roison. Ag Azo Zobé de Spenconmi le Dut. Ag Benefine de Spas, sort commis brasse. Puis yo a Spen Skeis Conlon. Ag quand mille dut sous bête fellet a nommé ce que notre ministre là pour douar hein sous bête de Horondro bon Hendel ba war Hermès vous gwelet prestige ouais enfin lance dit intro chassour y en ovale et grande chasse ou l'air long de gué guiden ronifle de yurt morgué ag mais me sera ne peut-être hiver un chasseur, Yann Bavro, tant ma tombe, ne ce que calze Reya ou Antine au monde de chasser. Bon, bah, Miss Gwengol, oui, Evel juste, ou à l'air vacances, ou distroscol, un distroscol. À Blanmes, au Bécals, d'abut, quand, hadstumadur, amzer scolidi. Pé, ou à vis, en paye, on minise un discadur, stade, ou à bégrède, or système névé, quand pem des, school par d'heures une, à Trawell qui nigue de, un tuel de noms en school, rendre de gal à tape, tant d'activités périscolaires. À Demzon, j'ai eu un drava, puis dur, ziré trop d'orvugal et de zisolo in Trawell, wardash un arzou, un sportchou, un nature, à devel tudel bas school. Mais zé, ou à que tombe de baspire et de jacobine de vel juste. À que, un ministre névé, un discadurus, un neuslac de, neusro de, leur choix, leur parousio, travers système payon, système, cause, grande, père des scoles, heben tapu, asé neuslac case, d'abut ba, case, barouge, ou ével juste, ag, derne, mire de système payon, à dernel, zoet, grande, système, père des scoles. Bon, ouel, vous, pis sa mot, vous, ban, homme, de zone. War dachener politikeres, kaz heureux so bit gant a fer un impli jou zikouret, on pourra aider un galak, da ugen lasso wa bekroue d'un impli jou ze, de houlse vi gelard d'un tuk, hag zinez ro de le, zinez gret kaz vart de vi de gevridigezio, gevridigezio, war dachener zivenadur sporchou ur vu e so kial. Mais il voit que dans impli jou liam de gander business à ses ocos maninar var vraiment éviterait wa labour abadiwan bénéfice au becard on discloum vider blam en bopet mais chomera un trou bresse quoi war un dashens puis on au comes de politiqueres né vaisseau wa être dans l'angle ronant le prohon un dins wa au mesquerie ni wa becrou de spen hanter quand l'asso babla per à triugen pelarin mat une vanieuse démocrate le brais un udb ag jonge un dutse ni wa jonge oberostro la politique elle de jeune tuclay hib bout de basper de jacobinet mais jiwas strola du db bénéfice au chombe d'histoire à gargal ou de brais au chombe de betac brément dans le Jacobinet. Asé, zokos, calze drou, non que calze warog, breiz vel, broyowel. Wardash en économies, stal touboulik, bakalak, en eslive, ne vaisseau, en eslide, des vaisseaux, y dégatrig, diabla, ag, stal zo wabekrou, de dient tantout, ba lohuek, erbla nante kan, seis adohugen. Ag, boué, bon, de ce cresque calze, un gagestal, zo, on avait mort, bah, vide mécanique ou vie de l'arbre d'ouvre. Dans mon temps, vraiment, au attache des événements, babar ou splon des quintines, au un tuel de nilis, au neuf de chapeliou, il trente varia kerhir, chapel zand colobon, chapel zand venter, à chapel zand ror. Ag, chapel zand ror, zo bédilez et pelzo, ag ou scoudur chapel gwan, dis hendel des oreilles. Chapel zezo beprin et de grand parous plon et pemze glaso, mais de nekubigre de laburio, ag bon, un arvar mon chapel ze, mais vraiment zo gré d'or gevridiges mignon de zandro, et vid hadzive leur chapel, ag bon laram chanzoate, war un dachen ze. Un diel ou un len, vichon wa dachen zivinadur, un diel ou un len gazette en musique bretonne, hag am eus gwelet, waed d'an an an, poluelou. Pez ne moa ke klev da poluelou, et d'an an an ba miz me. Me moa ke me klev eze, jonge mord meus teusan, poluelou o zon d'ar kan d'ar brud d'oa bavro, war dro ur blavez yo dekatru gana. Gret ne oa ur bladen, jonge meus gant ur strolet krou eut gantan, e skrilet. Jonge peus de ze. Ag gant e pe oan le dwen de driverle. Pe oan le dwen de driverle, ya mi moa plija dur, ya plija dur moa pe oan le dwen de driverle. Ag gant ore ive zon de tientan bla gant poj o gret gant tal dir. Bon, setu e de nan laon. Hendel vichom war dach en zevenadur zo bet kalz drou ba pa de nan ba vro hein digré du zegwel tout pes vekini que den dut de ce que moyen mam bez don part hein bon gwelen dan nou de zo bet kalz dut blam mur vidoir lande gwel ficelle ba rostren tram ma pa trezen pes beklev doar rkb kleve mo hanor ba un des de zul d'abdé ya ag bon ba bati bonar et qm pe bon repos ve le lardin galak zo bekal je dit blanc me roise vid en larvest gol kal je pardon yo zo bet ag hendel zo be roise et a hit gan de bla gan de nan le lieu mouvant bazandant ba la rune zo bekal je kalz dut. Hendel e vide chu in ahan war zevenadur, strolad kaner yen chantout loudia, un eus lid di hantor kandla, un de el ba loudiak, hag a zo be kalz dut, hein, ma trezen poa klev de Gérard Blouin a Guimadeg oa bet de gomp de se war vagelou RKB. Bon, a roas o de zon Kizelan, ba melion ok prestik. C'est un temps de spesso neve bavro. Merci Eri, kenavo. Kenavo, ya. Morgan.